J'dois avouer que j'ai mis des faux. Mais toi, t'as trop d'égo. Tu dis que j'ai sorti des mots qui t'ont blessé. Tu ne réponds plus à mes mémos. J'avoue, j'ai des sentiments. Mais ton temps, ce n'est pas mon temps. Alors, bébé, dis-moi si on continue ou tout s'arrête maintenant. Oh, tous les jours, tu me fous la pression pour me prouver qu'il y a tant ou raison. On se fait du mal, baby. On se fait du mal. Et si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, yeah, je peux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, yeah, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, yeah, je peux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller. Malhonnête, tous les défauts c'est pour moi. T'as cru que c'était la fête. T'es trop dans le paraître, les bons côtés c'est pour toi. Arrête ton délire, je vais penser que t'es parano. Ouais, tu sais qui c'est, je suis pas là pour flatter ton ego. Je suis pas ce genre de fille qui a pas toutes tes mélos. Non mais on se fait. Tous les jours tu fous la pression. On pourrait qu'il y a tort raison. Si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller.